suis en train de préparer le petit déjeuner bien tranquillement. Quand soudain à la télé, j'entendis cet homme terrifiant. Au début j'ai cru à une parodie, tellement le ton m'avait glacé. Mais mon angoisse s'est agrandie quand j'ai vu que c'était la réalité. Qu'un adorateur.